je suis né. Je sais pas pour tous les autres, mais pour moi c'est ma fierté. Elle est belle comme une poubelle, et moi je l'aime comme elle est. Même s'il y a tous les coins de rue, c'est rempli de pouf ou bien de poulet. Liégeois, Liégeois, chante ce refrain avec moi. Liégeois, Liégeois, on est fiers d'être Liégeois. Le lundi tous sont urbains pour se faire un peu de pognon. On dit que Cochrane va mal, mais on nous prend pour les cons. Le travail, je suis allergique, donc il vaut mieux que j'y touche pas. Je peux faire aller pointer et vivre au crochet de l'État. Liégeois, Liégeois, chante ce refrain avec moi. Liégeois, Liégeois, on est fiers d'être Liégeois. Si tu veux parler politique, ça risque d'être la galère. Vu qu'à Liège, ils savent pas trop qui c'est qui dirige la Molière. Ennès Graffé ou bien pas, tous tes tarés et des mongols. La politique, tu lentement, souviens-toi de Toulouse et de Chagol. Liégeois, Liégeois, chante ce refrain avec moi. Liégeois, Liégeois, on est fiers d'être Liégeois. Dans le carré, on est souvent un peu rond et on roule sous le pavé. Mais si toi t'es pas ici, tu comprendras rien. Et que Liégeois sait faire la fête du soir jusqu'au matin. Liégeois, Liégeois, chante ce refrain avec moi. Liégeois, Liégeois, on est fiers d'être Liégeois. Je peux même te dire qu'à Liège, on a une chouette équipe de foot qu'on appelle le Standard. C'est les meilleurs, y'a pas de doute. Mais pour eux participer, c'est plus important que gagner. Car ça fait 20 ans qu'ils croient que le championnat est truqué. Liégeois, Liégeois, chante ce refrain avec moi. Liégeois, Liégeois, on est fiers d'être Liégeois. Pour finir le dimanche matin, on a rendez-vous sur la balle pour manger un boulet frites ou boire une bonne bière bien plate. Fais gaffe à ton portefeuille, à Liège y'a des magiciens. Un petit tour, le passe-passe, à deux, trois quartiers, y'a plus rien. Liégeois, Liégeois, chante ce refrain avec moi. Liégeois, Liégeois, on est fiers d'être Liégeois. Et ça monte à ton Liégeois, Liégeois, chante ce refrain.